La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, conversation avec Jean Mallory, ce que s'engager veut dire. Il est difficile de présenter Jean Mallory d'une façon qui rende justice à l'intégralité de son existence, qui a démarré il y a 95 ans, le 22 décembre 1922 à Mayence. Je pourrais dire qu'il est physicien cryologue, qu'il est directeur de recherche émérite au CNRS. Je pourrais ajouter qu'il est le fondateur de la célèbre collection Terre humaine chez Plon, qu'il en a rédigé le premier titre, Les dernières voies de Tulé, qui fut suivi par Triste tropique de Claude Lévi-Strauss. Je pourrais ajouter qu'il s'y connaît en matière de contraste de température. Il a par exemple passé 2 hivers en solitaire dans le désert du Hoggar, ceux des années 1949 et 1950, en tant que géographe pour le compte du CNRS. Et l'année suivante, lui et l'Inuit Kutsikitsok furent les 2 premiers hommes à atteindre le pôle Nord magnétique avec 2 traîneaux à chiens. C'était le 29 mai 1951. Mais Jean Mallory est surtout un homme qui résiste à tous les sens du terme. Il a résisté au nazisme, à la collaboration, au temps qui passe, mais aussi à l'unification des cultures. Il publie ces jours-ci « Oser, virgule, résister » aux éditions du CNRS. Bonjour Jean Mallory. Bonjour. Je suis très honoré que vous ayez accepté notre invitation et je suis très heureux que vous ayez quitté la Normandie où vous habitez, je crois, à Dieppe, pour venir jusqu'à notre studio de la Maison de la Radio. Je vous répondrai d'abord que je suis très ému d'être avec... en ce haut lieu. Je considère que France Culture est l'honneur de notre nation. Car les pensées s'entrecroisent et c'est rare dans le respect des uns et des autres. Merci, je transmettrai. Alors, chacun connaît l'incipit de Triste tropique, « Je hais les voyages et les explorateurs », phrase célèbre de Claude Lévi-Strauss. C'est pas votre cas, vous aimez les voyages. Les explorateurs, je sais pas, mais les voyages, vous les aimez. Non. Non ? Je ne pouvais que aller dans le sens de Lévi-Strauss, puisque ce livre, « Les tristes tropiques », est le second de la collection. Et c'est moi qui le lui ai demandé, et qui a écrit en dédicace à Jean Mallory, à qui je suis obligé de m'avoir obligé à écrire ce livre. Sans vous, il ne l'aurait pas fait. Ah non, sûrement pas. Il était extrêmement attaqué par Roger Caillois. On lui reprochait un structuralisme qui reposait sur des systèmes d'écriture dont il n'était pas maître. Bref. C'était une cabale, il avait raté 2 fois le Collège de France, mais je l'avais entendu. Je l'avais entendu 1 fois à l'UNESCO, mais qui plus est, j'avais, à la recherche de compagnons pour la collection Terre humaine, vu sa thèse complémentaire, qui je crois a été en partie écrite par sa femme, Dina Dreyfus, très forte personnalité, et avec des photographies. Et quand j'ai vu ces photographies d'Indiens Nambiquara, de ces régions amazoniennes, je lui ai écrit « Ces photographies montrent que vous êtes mon frère ». Et nous sommes rencontrés, et c'est ainsi que naît Triste tropique. Magnifique. Alors, dans votre livre, vous racontez une rencontre à 3, Jean-Paul Sartre, vous-même, Claude Lévi-Strauss. Ça ne s'est pas passé super. C'est la raison pour laquelle, dans une récente interview, j'ai dit combien je me méfiais des élites. J'étais au carrefour de bien nombreuses élites. Ce que j'observe, c'est que quand ils prennent des décisions, elles sont malheureuses. Jean-Paul Sartre, figurez-vous, me trouvant à Magadan, avec des zecs. Les zecs, ce sont des déportés, qui me disent, Jean Mallory, vous êtes français, mais il se trouve que dans le pays de Voltaire, il y a de singuliers auteurs. Il y en a un qui dit « Je reviens de la terre de vérité, où on dit tout, et c'est la pure liberté. » Vous parlez de déporter du goulag. C'est ce zèque qui me parle. Vous direz à ce monsieur que des millions étaient dans des goulags. Jean-Paul Sartre écrivait des livres très regrettables au retour de l'URSS à cet égard. Alors, je le disais, vous mettez en, Enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis maintenant. Vous mettez en exergue de votre premier chapitre cette phrase latine « Etiam si omnes, ego non ». Ça m'a rappelé des souvenirs. Ce qui veut dire, après traduction, « même si tous, moi, non ». C'est ça l'esprit de résistance ? C'est toute ma vie. C'est ne agir dans le sens de sa conscience. En ce qui me concerne, je ne voudrais pas, comment dirais-je, faire acte de forfanterie. Mais toute ma vie m'a été, dans les actions majeures, dictée par une conscience qui vient de très loin. Ce très loin, ce n'est pas religieux. Je suis d'éducation chrétienne, mais l'agnostisme m'a habité. Et puis, j'ai voulu, pour des raisons que nous allons peu à peu éclaircir, être à l'école du peuple le plus primitif du Grand Nord, les Inuits. Et pas n'importe lequel, à l'extrême nord du Groenland, près du pôle, les Inuit. Et les Inuit, quand ils m'ont vu, m'ont accueilli avec leur chaman, Utak, qui m'a dit... Vous dites chaman plutôt que chaman ? Je dis moi chaman, mais on peut dire chaman. Il m'a dit, je ne te connais pas, mais je t'attendais. Ce chaman était prophète. Était prophète car il ne dormait plus, nous sommes en juillet 1950. J'arrive habité par les règles de convenance quand on fait une enquête qui m'ont été comme dictées par Simone Veil. Simone Veil était philosophe exceptionnel. Je vous indique que son frère est un autre génie mathématicien. André Weil. Et cette grande philosophe s'est voulue, elle était à l'époque communiste, elle s'est voulue ouvrière chez Renault et chez Alstom. Et elle considère que pour être témoin d'une condition qui est différente, il faut être en immersion, c'est-à-dire avoir le même statut, ce qui est mon cas. Je pars à Tulé, après avoir été géographe physicien à la demande de l'Académie des sciences, des expéditions sur le grand glacier du Groenland, dirigé par Paul-Émile Victor. Pendant 2 ans, j'ai été dans cette équipe, et dans cette équipe, j'ai appris naturellement ce que j'avais à apprendre des pierres, des colimboles, des lépidoptères, bref, de la nature, et surtout, comment dirais-je, de ces ouyaraks, de ces ouyarasuites, de ces éboulis, mais aussi, j'ai appris, et ceci vous concerne, c'est que les tenants des sciences dures sont très méprisants. Pour les sciences fragiles, comme les sciences naturelles. J'avais un lépidoptériste, évidemment... Spécialiste des papillons. Spécialiste des papillons. Il y a des papillons. De voir sur le rebord du grand glacier du Groenland un homme en petite culotte avec un filet papillon, ça fait un peu Bibi Bifrocotin. On l'appelait Savon Tintin. Ben, voilà. Et cet homme a fait une découverte extraordinaire, indépendamment de papillons peu connus. C'est que les colimboles, c'est un petit insecte, a survécu sous le glacier. Alors là, je pénètre un peu davantage dans la géologie. Tout l'hémisphère nord a été recouvert par un grand glacier pendant 3 millions d'années. Et ce 3 millions d'années n'est pas, comment dirais-je, uniforme. Il y a ce qu'on appelle les interglaciaires et les intraglaciaires. Et bien dans cette période dramatique, difficile, une espèce vivante, et il y en a d'autres, a survécu sous le glacier. Par conséquent, on parle aujourd'hui de la fin d'un monde, c'est excessif. L'homme a une faculté d'adaptation, au-delà de l'homme, la vie, et le témoignage en est avec ces colimboles découverts par un compagnon de Charcot, le capitaine pourquoi pas, sur la côte est du Groenland, et mon compagnon, Hubert Delesse, le lépidoptériste. Qui était méprisé par les tenanciers des sciences dures, dites-vous. C'est cette arrogance des sciences dures d'hommes qui ont des appareils des chiffres. Des équations. Des nombres, des équations, des mathématiques. Je l'ai retrouvé quand, étant monté en grade, je suis à un des postes très élevés au CNRS. Il y a des commissions de recrutement, mais j'ai été à un niveau plus élevé. Et là, je voyais, de toute évidence, que la géographie n'était pas considérée comme une science majeure, que des sciences naturelles non plus, par la glaciologie, les mathématiques, la physique. Il y a là un problème que nous allons explorer, la difficulté de parler d'une science à l'autre. C'est pas parler, c'est essayer de comprendre. Je vous l'évoquerai. Vous avez manqué un de mes titres. Je suis directeur d'études, hautes études, à l'EPHE et à la 6e section. Mais Jean-Malory, si j'avais dû dire la liste de tous vos titres. Non, mais c'est capital. J'ai été désigné par mon maître, un de mes maîtres, Lucien Febvre, comme benjamin de cette fameuse science économique et sociale, 6e section, pour réconcilier l'histoire, la philologie, la philosophie et la géographie physique. Et il y a là une réalité qui fait que les sciences sociales que nous avons représentées, y compris par moi-même, puisque je suis directeur d'études et directeur du centre d'études arctiques dans cette école des pratiques des hautes études, 6e section, ce dialogue n'a jamais pu se faire. Et il y a là un tournant qui a été pris qui fait que l'on a manqué ce que Shepard a démontré, et Denis Listel, que j'ai absolument voulu faire rentrer aux études. Mais vous savez, c'est une assemblée, il y a des votes, mais j'étais très minoritaire, j'étais le seul géographe physicien. Donc j'obtenais 10 voix pour l'un, 5 voix, et je n'y suis jamais arrivé. De telle sorte que les sciences sociales françaises ont manqué, et je l'ai reproché à Lévi-Strauss, qui s'est tourné vers le structuralisme des modèles, mais il y a une autre réalité fondatrice, et c'est le biotope, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'écologie humaine. On ne peut pas comprendre l'homme si on le détache de son univers minéral, son univers végétal et animal. Dans votre livre, il y a une photo d'un ours sur un morceau de banquise et vous dites « ours, mon frère ». Ça l'a été. Jean-Malory. C'est une autre affaire. Cet ours, je suis seul dans une igloo de neige. Je suis presque paléolithique, je suis habillé comme les Esquimaux. C'est-à-dire j'ai un pantalon d'ours sans caleçon, avec la peau qui racle ma peau, pas de caleçon. J'ai des bottes, j'ai pas de chaussettes, triple bottes. Et puis une grande veste en peau de renne qu'on appelle une crolita. Et je dors, selon la règle, je suis seul. Pour des raisons de cartographie, c'était nécessaire que je sois seul pendant une dizaine de jours. Donc, l'igloo de neige, j'y suis installé. Et j'ai toute la journée, j'ai levé la case, je suis intense, et je me couche nu. Sur la banquette en neige, il y a une peau bête, puis je dors. Et là-dessus, un sommeil profond, car ma pensée sereine dans l'Arctique. Je suis chez moi. Il fait moins 30, il y a le vent. Et vous êtes chez vous. Je dors très bien. Et soudain, j'entends ces frères ours qui est de l'autre côté. Il n'a qu'à pousser un peu le mur et on est en tête à tête. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas prendre mon fusil. Et les Inuits ont compris que je commençais un peu à minuitiser, me voyant tout nu avec mes testicules pendants, je suis allé mettre mon pantalon pour aller voir le frère ours et se saluer. Puis il est parti. Un mois plus tard, il y a des traces, et les Inuits, dès qu'ils voient des traces d'ours avec leurs chiens, partent. Et je suis, parce que j'ai mon propre traîneau, mes propres chiens, je suis un peu en retard. Et nous sommes sur le bord, si les auditeurs veulent bien regarder, le nord-ouest du Groenland, nous sommes au 78-79 degrés nord. C'est le glacier de Humboldt. Et l'ours, habilement, s'est mis sur le bord de cet immense glacier, le dos au mur, debout. Et là, il fait face aux deux chasseurs qui sont là, les chiens qui aboient, et j'arrive. L'ours me distingue immédiatement. Et ses yeux, regardez bien les yeux d'un ours. C'est des yeux tendres, c'est des yeux humains. Et il me dit, c'est pas bien. Tu vas venir me tuer. Et je suis venu te rencontrer, parce que nous sommes frères. Hélas, mes amis inuits, mus par un instinct ancien, l'ont tué. Nous n'avons pas la même lecture de son regard. Nous l'avons mangé. Ils ont retiré les peaux d'ours, mais moi, j'ai gardé le crâne. Et ce crâne, si vous venez me faire l'honneur d'aller chez moi, il est à côté de mon lit. Il me regarde constamment. Il se trouve que sur ce lit, j'ai eu un problème cardiaque, grave, d'un infarctus. Mais l'ours était là. Et il m'a aidé, avec les Inuits, à traverser cette mauvaise période. Incroyable. Alors, on a l'impression, en lisant votre livre « Oser résister », que vous avez été en bagarre en permanence. J'ai peut-être une hérédité. Je suis, par ma mère, écossais. Highlander, c'est-à-dire combattant. Je viens au cœur de ce problème, puisque je suis à France Culture, et j'ai fait l'éloge de France Culture, parce que vous rassemblez des courants très différents. Ils se parlent, mais l'institution des hautes études a été créée pour que non seulement on se parle, mais qu'on se comprenne. Et il se trouve qu'en France, c'est très difficile. Alors, cette école pratique des hautes études dont on fête le 100e anniversaire. Et on m'a demandé, le président Hubert Boss est venu chez moi pour me demander d'écrire et de prononcer le discours de fermeture. C'est une aventure qui n'est pas terminée, je le souhaite. L'école pratique des hautes études, créée par Victor Duruy sous Napoléon III, a été créée pour obvier un malheur français, l'incapacité de dépasser les disciplines. Il y a un côté professoral dans l'enseignement secondaire, on enseigne, dans l'enseignement supérieur, qui se dit supérieur, on enseigne, mais quand est-ce qu'ils s'enseignent les uns les autres? On crée cet institut des études avancées, l'école pratique des hautes études. Mais l'intention de Victor Duruy, qui est un génie, c'est d'installer cette école pratique des hautes études qui a besoin de bâtiments dans la Sorbonne. La Sorbonne, qui reçoit naturellement les jurys, la haute tête de l'enseignement secondaire. Car l'enseignement supérieur fait la préparation des professeurs de secondaire, c'est pas autre chose. Donc Duruy dit très justement, s'il y a une école d'enseignement primaire supérieur, ben il faut qu'il y ait une école de secondaire. Et la Sorbonne, c'est fait pour l'Institut d'avancée. Immédiatement, réaction de cette Sorbonne. Alors, il y avait 5 sections prévues. La première, mathématiques, confiée au plus illustre des mathématiciens, Henri Poincaré. C'est presque l'équivalent, si ce n'est peut-être parfois supérieur à Einstein, qui a eu beaucoup de mal à avoir des locaux, parce qu'il y avait la résistance de cette Sorbonne. Et finalement, on a supprimé la section mathématique. Comment voulez-vous faire, et c'est toujours vrai, un institut des études avancées, une école pratique des hautes études sans mathématiques? Il n'y en a pas. Là-dessus, il y avait une deuxième section, biologie. Comment voulez-vous faire étudier l'homme, les sciences sociales, si vous oubliez le sang qui irrigue nos artères? Querelle, suppression de la deuxième section. Alors il ne reste plus que la troisième, la science de la Terre, qui végète, qui a un petit laboratoire pas très brillant à Dinard, et où est Charcot? Mais Charcot est un vieux monsieur, il est honoraire, et quand il meurt, avec le pourquoi pas, en 36, c'est fini. De telle sorte que je succède à Charcot. Mais faut-il qu'il y ait un dialogue entre la sixième section, où je suis élu Benjamin, avec la troisième? Mais il n'y a personne. Arrive la cinquième et la quatrième, sciences historiques et philologiques, c'est l'histoire des textes, on sait les lire, c'est l'histoire militante. Et la cinquième, c'est les sciences religieuses. Et quand je suis nommé, c'est Lucien Febvre et Brodel. Et Brodel me dit, il y a incapacité de parler avec cinquième section et quatrième section. Ça dure pendant 20 ans, pas de dialogue possible. Nous, c'est les sciences économiques et sociales. Une géohistoire, c'est la revue Annale. Je suis le seul géographe qui devrait parler, comme je vous l'ai dit, avec les historiens. Ça ne va pas. Les historiens me disent, on a fait notre agrégation, la tectonique, l'urgo-apien, c'est pas notre tête. Alors, l'écologie humaine est ratée. Mais c'est vrai, d'autant plus vrai que nous sommes gagnés peu à peu par des modèles, le structuralisme. Touraine, une autre mode, le sociologie. Et curieusement, et c'est ce que j'ai vécu, pas de dialogue. Chacun est brillant, il a son séminaire, il a ses élèves, et puis il y a la carrière. Et chacun, alors on écrit chez Gallimard, on écrit peut-être dans Terre humaine, mais on fait sa carrière. Mais c'est pas ça que voulait Victor Duruy, c'est qu'on s'enseigne. Donc, ceci n'est pas né. Et je le dis d'autant plus parce que l'école pratique des études, elle est toujours vivante. Elle a fêté son cinquième anniversaire. Je devais faire le discours, je l'ai fait. Il est dans Oser résister. Mais on m'a pas demandé de le dire parce que il n'est pas dans le ton. Mais il va bien falloir qu'on rétablisse cette sixième section. Parce qu'en effet, faute de dialogue, la sixième section a divorcé et est partie. Et est devenue la fameuse EHESS. Comme je suis résistant, j'ai refusé. J'ai dit à Furet, c'est une trahison du fondateur, Duruy. Il m'a dit, écoutez, vous partez au CNRS, on vous regrettera. Donc on m'a nommé cumulant. Voilà le système français. J'ai l'impression qu'on est à l'Assemblée nationale, c'est des combinaisons de ceci. L'Institut d'études avancées, avec France Culture, nous allons le refaire. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Je voudrais revenir sur quelques épisodes marquants de votre vie, notamment lorsque vous avez 20 ans, vous êtes au lycée Henri IV, vous préparez le concours de Normale Sup et vous refusez de partir au STO, le service du travail obligatoire. Comment ça se passe dans votre famille ? Très mal. D'abord, on m'a interdit de revenir dans ma maison. Chez vos parents ? Chez ma mère. Votre père était mort en 39. Mon père est mort. Mon père, qui était colonel d'état-major dans les services de renseignement, et il était mort en avril 39. Ma mère est donc veuve, et on m'est interdit de revenir. Ma mère me dit, ne reviens pas, tu seras dénoncé. Par qui ? J'aime mieux pas vous le dire. Mais le milieu qui est le mien m'est hostile. Je voulais partir au Maroc, j'avais besoin d'argent. Je suis allé voir mon oncle, ma tante, refus. Tu n'es pas dans la ligne du maréchal. Fais ton devoir, il y en a 660 000 qui sont passés. Vous savez, quand j'étais à Henri IV, j'étais dans le dortoir, j'avais pour camarades des polytechniciens, des élèves, qui ont été élus. Et l'école polytechnique, au moment de STO, était à Lyon. On les a obligés à partir, c'est une école militaire, en disant, si vous ne partez pas, on vous raye de l'école polytechnique. Alors, ils sont arrangés pour qu'ils fassent simplement des modèles pour la Luftwaffe, mais ils sont partis. Alors, pour revenir à l'ESTO, donc, j'ai essayé de partir au Maroc. Je n'y suis pas arrivé. C'était très difficile. Et je suis parti dans un service nommé, soutenu par un homme extraordinaire, auquel je rends hommage, Dadoui, qui, sous une couverture à Grenoble, m'a protégé. Et je puis vous dire qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'ai eu un contrôle allemand. Allemand-français. J'avais une carte pas très claire. On m'avait donné un mois avant de partir. Alors j'avais un prétexte médical. Et là, je rentre sous une tente qui était place Grenette, service du travail obligatoire, contrôle. Je rentre, je sens que c'est mes dernières cartes. Et il y a là une radioscopie, deux médecins, français, allemand. 30 secondes plus tard, ma carte revient inapte pour 8 mois. J'ai jamais compris. Je n'ai jamais... Et à la sortie, il y avait un Feldwebel allemand. Non, j'ai pu, comme je n'étais pas arrêté, rencontrer la résistance qui m'a envoyé à Villers-de-Lans pour, dans le Vercors, préparer des parachutages. Et nous sommes à une époque très difficile. Jean Moulin vient d'être arrêté. Et j'ai dû quitter, hélas, préparant des parachutages, le Vercors en octobre. Et il m'a fallu survivre jusqu'à la libération. Et une enquête a été faite sur mes activités et j'ai obtenu la médaille de réfractaire à l'arrivée. Est-ce que c'est de cette époque, Jean Mallory, que date votre grande prudence à l'égard des intellectuels et des maîtres à penser ? Je me permets de lire quelques lignes de votre livre. Vous dites « La philosophie est une morale. C'est très beau d'écrire des livres témoignant de la liberté de l'esprit. Oui, c'est très noble. » Mais il faut mettre en accord ses théories dans ses réflexions et sa propre vie. Sinon, on risque de n'être qu'un littérateur. Lors de cette loi inique et funeste du STO, je n'ai pas entendu une voix de l'Académie française protester. Paul Valéry, Paul Claudel, Henri Bordeaux, Georges Duhamel, le silence. Pire, Abel Bonnard, qui est ministre de l'Éducation nationale, un écrivain considéré comme un écrivain, comment dirait, bourgeois, habile, et le maréchal Pétain même l'appelait la Gestapette. Il avait quelques coutumes, et voilà, c'était notre ministre de l'Éducation nationale. Il a terminé en Espagne, il n'a pas été fusillé, et il méritait l'exécution. Alors, il y a un autre fait de résistance qui vous est associé, c'est à Tulé. Oui, je veux, pour en terminer, ce temps m'a fait vivre plus vite. Ma génération, je suis camarade de Dormesson. On était dans la même hippocagne. Il avait souvent, c'est arrivé au moins une fois, à critiquer mon exposé. Je me souviens, j'avais fait un exposé sur un des grands... Vous parlez d'Henri IV. Au lycée Henri IV. Nous sommes dans une hippocagne, il y a un maître d'histoire, Alba, et j'ai un exposé à faire sur un grand argentier qui s'appelle Ségur de Lamoignon. Bon, la France, naturellement, est endettée, ça ne va pas bien, je fais mon exposé. Et Dormesson est chargé de me critiquer. Eh bien, c'est du pur Dormesson, c'est élégant, informé, critique comme il le fallait, et élogieux comme il le fallait, du pur Dormesson. Merci, élégant. Jean Mallory. Alors, je voulais revenir à Tulé, là. Vous avez aussi une expérience de résistance. Ça se passe juste avant que vous partiez au pôle magnétique avec votre chien de traîneau. Pôle géomagnétique. Géomagnétique. Ce n'est pas n'importe quoi. Attendez, quelle est la différence entre le géomagnétique et le magnétique? Cher ami, la France Culture, il faut vous apprendre un des pôles. Il y a 3 pôles. Il y a le pôle géographique. Il ne bouge pas beaucoup. 90e degré. Le pôle magnétique, c'est celui de la boussole. Il est à fleur du sol. Il a été découvert par une expédition anglaise, en fait dirigée par un Écossais, James Clark Ross, en 1835. Et puis, un homme de très modeste sur le plan social, Gauss, Frédéric Gauss, qui devient un des maîtres de la physique et mathématiques, conçoit ce pôle géomagnétique. Mathématiquement. Et ce pôle géomagnétique, c'est le magnétisme au-dessus de la tropopause qui la traverse de part en part, la Terre, et sort dans l'Antarctique, en ce moment, près de la Terre Adélie. Ce qui est important pour nous, et qui est un peu manqué au moment des changements de climat, je l'avais fait remarquer aux autorités responsables, vous savez que je suis ambassadeur à l'UNESCO pour les questions arctiques, ce que l'on ne médite pas assez, c'est que ces 2 pôles sont mobiles. Ils se déplacent. Donc ce pôle magnétique, ce pôle géomagnétique vont vers le nord. Et il va arriver un temps où il y aura basculement du pôle C'est arrivé une fois dans l'histoire géologique. Donc le pôle géographique pourrait se trouver à Dakar. Vous comprenez bien que les changements de climat seront tout à fait différents. Donc il ne faut pas oublier que notre Terre est dans un système solaire très vaste. Et là, nous avons la Lune, le Soleil et d'autres planètes avec leurs actions et qui jouent sur ce pôle. Alors ce pôle, je tenais absolument à le voir. Et je tenais par instinct. En fait, je suis dans des conditions, d'exploration minimale. Je me permets de vous dire, je suis habillé entièrement en esquimau. Je n'ai pas de vivres. Toute expédition polaire a du pemmican, des vivres de réserve. Je n'en ai aucun. Je dépends de la chasse aux phoques de mes quatre compagnons, deux hommes et leurs épouses. Et les épouses sont là, car elles me connaissent et elles connaissent leurs hommes pour les surveiller. Qu'ils ne plaquent pas. Et c'est arrivé. Nous sommes dans des régions très lointaines. Je n'ai pas de radio. Et la carte, c'est moi qui l'adresse. Donc, je me vois là sur le glacier, en train d'avancer. À tout moment, ces crevasses peuvent s'ouvrir. Un de mes camarades, Alain José, avec son weasel, est tombé dans une de ces crevasses. Il était de l'expédition de Paul-Émile Victor. C'était de la pure géophysique. Il est mort. Ça pouvait m'arriver. Nous en avions convenu, mon camarade et moi, l'Inuit. Je me permets de vous dire un petit mot d'Eskimo. Ils l'entendront peut-être atuler. Ouyarak okraluit inuit. Ce qui veut dire malheureux. C'est, il ne prononce jamais les noms. L'homme qui parle avec les pierres. C'est mon. C'est votre surnom. C'est l'homme qui parle avec les pierres. Alors, vous venez de parler d'intuition et vous citez en exergue de votre livre une phrase d'Einstein dans une interview qu'il a donnée en 1929. Il m'arrive de sentir que j'ai raison sans pour autant le savoir. C'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, ce pôle géomagnétique. Les Inuits, quand nous avons pris la décision, je suis au cœur d'un système. Tout est dit, tout se fait ensemble. Mais c'est même ma mission. Mais je suis pas caporal. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'une espèce d'unanimité. Or, ils n'étaient pas favorables à ce que nous nous séparions. Parce que il fallait nous retrouver 5 jours plus tard. Tout est possible. Une attaque d'animal, une sécession. Donc, j'ai levé 300 kilomètres de côte inconnue et sur un interland, sur 3 kilomètres, et cette carte est que l'on peut trouver dans ma thèse doctorat d'État, republiée par le CNRS Édition dans ce qu'ils appellent Artica œuvre 1, écosystème arctique en latitude. Nous parlerons de Artica 2, qui est ma coopération intime avec mes camarades soviétiques, en Tchoukotka, qui sort en janvier. Un énorme livre de 800 pages. Bah vous reviendrez. Donc, pour revenir... J'ai senti qu'il y avait là quelque chose. Je savais ce pôle géomagnétique, mais où était-il exactement? Donc je pars sans carte, parce qu'elle n'a pas été dressée, sans radio, sans autre appareil qu'un appareil qui me donne l'altitude, l'altimètre, varie selon les conditions de la mer. Donc il faudrait que pour refaire le point... tous les jours, mais j'avance sur le glacier. Donc je marche à l'instinct. Et c'est là où je vous parle, et ma coopération avec les Inuits, qui ne sont pas intéressés par le pôle géomagnétique. Mais je les entraîne, et tout ceci est sur mon livre ultimatulé, vous avez même mon itinéraire. Mais il y a des veines le long de ce glacier, qui est bordé par une falaise. Donc je ne peux pas me rapprocher trop, je suis à 1000 mètres, et je cherche à être entre 800 et 1000 mètres. Et j'ai le sentiment, l'instinct, qu'il y a là un monde particulier. Je l'ai vu chez l'Inuit, qui a une crise. Nous sommes ensemble. Une crise. Il a une crise de violence. Il me dit, tu es fou, tu sais pas où tu vas, on sait pas où on est, on peut te mettre dans une crevasse, tu es fou, je m'en vais. J'ai dit, dans les grands dangers avec eux, je suis d'un calme imperturbable. Là, je lui dis, vous parler, c'est Kutsi Tiksok, c'est celui avec lequel vous allez atteindre le pôle géomagnétique. C'est lui. Il est là, à côté de moi. En fait, on est au pôle géomagnétique. Il est en photo dans le livre. On le voit en train de sortir la banquise. Et c'est là qu'il a une crise. Et probablement, elle est due à ce magnétisme. Parce que les Danois ou autres n'ont jamais eu, jamais subi, mais les Inuits subissent des crises d'hystérie qui s'appellent le piblocto, qui est une espèce de... Enfin, c'est une crise psychologique très grave qui dure 3-4 jours, qui accalme. Et là, c'est une crise profonde, au point tel qu'il déserte, et ce n'est que 2 heures après qu'il revient. Bon. Il y avait un instinct. Si vous savez, je termine mes mémoires, que j'appelle de la pierre à l'homme. Ce qui est important, c'est que je n'ai pas d'expérience particulière, je ne suis pas particulièrement doué. Et en France, je suis en particulièrement très maladroit pour mettre un appareil, planter un clou. Mais dans l'Arctique, je ne redeviens paléolithique. J'ai mes chiens, pardonnez-moi, les chiens, ils sont à 4 mètres, 5 mètres. Mon fouet à 7 mètres, c'est pas au fouet, c'est à l'ascendant. Et ces chiens ont un leader, papa, qui va devenir mon frère. Au point tel qu'il va me conduire à l'animisme. C'est, vous savez, il y a eu un glissement des sciences sociales, cette fameuse sixième section, qui a complètement oublié la consonance. C'est très bien d'étudier la sociologie, le structuralisme, le Jung, Freud, tout ça, c'est très bien. Mais il se trouve que l'homme en consonance avec les couleurs, Michel Pastoureau, c'est admirable, le noir, le rouge, le bleu. Eh bien, figurez-vous, c'est très important pour les Esquimaux. L'odeur, c'est capital. L'odeur, tout ceci joue un rôle pour le chaman. Le chaman, alors on va voir, mon ami Onfray dit Mallory, le dernier chaman. Très bien. Bon, j'ai fait. C'est un peu. Je lui dis, c'est un peu excessif. Bon, bah, très bien. Il dit chaman enfin, comme vous, ou dit chaman. Le chaman, si vous préférez. Mais ce qui est, c'est lié aux éléments. Un vrai chaman est assis sur un banc de pierre, de certaines pierres, qui sont à la bonne place. À la bonne place, et là, il peut avoir une lévitation. Et comme il est essentiel, il va donner des indications sociologiques à la population. Vous savez que j'ai fait la généalogie de cette population qui s'appelle, qui a montré l'évitement sexuel jusqu'au 5e degré. Pour éviter. C'est par la tête, c'est dans le sang. Pour éviter la consanguinité. Ils le savent, la consanguinité, c'est des malformations, c'est la stérilité. Si, réellement, ce tableau généalogique a suivi de très près Alfred Sauvy et des grands généticiens, si, réellement, c'est ce que pensent les Inuits, ils le pensent, car l'Arctique est fait d'isolats tout petits. Il ne faut pas croire que ce sont des dans la préhistoire, c'est des tout petits groupes. Et les petits groupes voient avec méfiance l'autre groupe. Méfiance et peut-être querelle. Donc, il y a là une politique démographique propre à l'isolat. Je suis sans aucun doute un des spécialistes par cette généalogie, qui nous montre l'évitement sexuel jusqu'au 5e degré. Si c'est exact, et ça l'est, alors que reste-t-il du récit biblique ? Adam et Ève, c'est pas possible. Ève, comme vous le savez, c'est une partie des côtes de Adam. Alors, c'est pas possible. Si il n'y a pas d'Adam et Ève, alors il n'y a pas de tentation. S'il n'y a pas de tentation, il n'y a plus de Jésus rédempteur. Autre problème. Que pense le catholique que vous êtes quand c'est pas possible. Autre problème, c'est Darwin. Ce que nous voyons dans cet évitement sexuel, c'est qu'il faut au moins 15 à 20 couples. Comme vous le savez, selon Darwin, l'évolution, c'est des espèces de primates qui sortent des montagnes du Kenya. Je suis désolé, je ne vois pas par quelle grâce il y a 20 mâles qui descendent des montagnes pour rencontrer les 20 femelles au même moment. Et si vous n'avez pas ce groupe, l'isolement ne peut pas fonctionner. Donc nous sommes devant une grande énigme. Et les Inuits m'ont passionné parce que ils ne cessaient, c'est pour ça que les femmes étaient là, me dit, t'es jeune, j'ai 28 ans, j'étais résistant, j'ai préparé normal, j'ai lu Kant, nil est intellectu, qui non prior fuerit in sensu. Tous les Français parlent latin. Bon, c'est dans les sens, paraît-il, que l'intelligence apparaît. Bah, pas du tout. Donc je cherche ceci à le comprendre. Et peu à peu, ces hommes me forment cet esprit. Et il y a là une formation d'une intelligence écologique qui est liée à ma considération des éboulis. J'ai travaillé pendant 14 ans sur les éboulis, qui sont des masses de pierre au pied des grandes falaises, sur 300 mètres. Je montais sur ces éboulis, au risque de provoquer des éboulements catastrophiques. Je regardais en dessous, et j'ai découvert peu à peu qu'ils étaient stratés, qu'ils étaient ordonnés, et là, me voilà lié à une doctrine, la nature régule, jusqu'à ces chaos de pierre, et je suis devant des masses, s'il vous plaît, de 500 millions d'années, c'est de l'ordovicien, garanti par des trilobites, un petit animal qui va disparaître au secondaire, que les Inuits cherchent avec dédessein de ma part. Donc je suis là, et je vois que cette nature, en effet, elle régule. Et là, je me range dans la doctrine de James Lovelock, Gaïa, et il y a là cette hypothèse qui est tout à fait juste. Il y a un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète en harmonie. Ça. Depuis 3 milliards d'années. Alors, c'est ce Mais que finalement, pense, Gaïa, c'est ce que Gaïa et Terre humaine, c'est la même chose. C'est la même chose. Si ce n'est que Terre humaine, c'est un cri. Je suis agacé par ces élites que l'on a autour de Saint-Germain-des-Prés. Il y a des grandes revues. Je ne les nommerai pas. C'est là qu'on dit l'avenir. Certains se trompent totalement. Je crois que l'un d'entre eux, de nos brillants intellectuels, a mis en valeur toute la politique cambodgienne. J'espère que, quelquefois, il fait contrition. On peut avoir des grandes doctrines, mais pardonnez-moi, il faut regarder le but. Quand, j'espère, vous m'inviterez pour Artica... C'est signé. 2. Le titre, c'est Tchoukotka 1990. De Lénine à la perestroïka. Figurez-vous, je suis pas soviétique. Je suis pas communiste, je m'en fous des régimes. Ce qui m'intéresse, c'est les peuples qui ont, depuis l'aube des temps, une politique qui est liée à l'écologie, qui les rend heureux. Ne croyez pas que tous ces élèves du chaman sont dans le tremblement. Pas du tout. J'ai connu des hommes d'une pauvreté extrême qui avaient connu des famines. Il me dit, si tu viens, c'est que t'es pas heureux, reste. Je dis, mais la grand-mère est morte. Et puis, il dit, mais les reines vont revenir. Ils sont convaincus, et ils ont raison, que si on suit strictement les lois de la nature sera généreuse. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jean Mallory, à propos justement de cette pensée des Inuits, dont vous expliquez très bien dans votre livre que c'est une pensée complexe. Ouais. Qu'on a toujours tort de la simplifier. Vous dites qu'ils ont une pensée cosmo-dramaturgique. Vous reprenez une expression de Bachelard. De Bachelard. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et d'autre part, je sais qu'en rentrant de Tulé en 1952, vous avez rencontré Bachelard. Absolument. Quel genre d'homme était-il? Alors, d'abord, cosmo-dramaturgie. C'est une de mes grandes découvertes en Union soviétique. Bon, comme je vous l'ai dit, J'étais très proche de Gorbatchev. Et la perestroïka est très mal connue en France. Et je me suis lié à suite d'une intervention très courageuse de ma part à l'école du parti, puis ensuite dans un présidium, en disant « Vous ne pouvez pas développer la Sibérie si vous ignorez la pensée des peuples. » Or, la pensée des peuples, c'est un discours que j'ai prononcé, vous le trouverez dans Humoc, la pensée des peuples est liée à la nature. Et cette pensée des peuples est très proche de la pensée dostoïévienne. C'est une pensée spirituelle. Je n'ai pas parlé du marxisme athée. Vous savez, c'est ce que m'expliquait Braudel. Si vous voulez connaître un régime totalitaire, il faut rentrer dans le système. Sinon, c'est pour faire des discours, c'est pas difficile. Donc, si je veux connaître la Chine, il faut que je rentre dans un appareil. C'est ce qui s'est passé. Et lors de ce discours qui a provoqué, un certain mécontentement des appareils soviétiques. Par contre, il y avait un académicien, Dimitri Likhatchov, très mal connu, beaucoup plus important que Solzhenitsyn, qui préside la Fondation des peuples de l'URSS. Il m'a demandé, après ce discours, qui pouvait me créer beaucoup de difficultés, je suis passé devant le tribunal du NKVD, je sais ce qu'il en est. Et il me reçoit, il me dit « Venez ». J'ai d'abord un message du président Gorbatchev. C'est la perestroïka. Vous avez dit « niet » et nous avons besoin d'hommes de caractère. Voulez que la Sibérie soit développée selon des règles écologiques. Vous êtes mon ami. Et c'est à ce point que dans la Fondation des peuples de l'URSS, je vous nomme président pour les peuples du Nord. C'est même extraordinaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a une expédition en Tchoukotka avec 15 personnes que j'ai dirigé. Les rapports vont paraître tardivement au CNRS Édition et qui vérifient ce que voulait Lénine et plus ou moins Staline pour les peuples du Nord. Qu'est-ce que j'ai découvert? Un socialisme d'État. Si vous voulez développer les peuples, il faut que ce soit socialiste, dans le Nord. Si vous ne surveillez pas, il faut que ce soit l'État. Donc c'est un socialisme d'État. L'inconvénient du socialisme d'État, c'est la bureaucratie qui arrive. Et derrière la bureaucratie, pour faire appliquer les lois, c'est la police. C'est un système très difficile. Alors l'autre système, c'est le libéralisme, qui est le cas du Groenland, qui veut son indépendance, et qui me demande d'être leur ambassadeur auprès de notre président, Macron, Emmanuel Macron, pour que le Groenland rentre dans l'Union européenne, sous le patronage de la France. Bon, les Danois ne sont peut-être pas satisfaits. Parce que les Danois, ils manœuvrent pour les droits pétroliers. Bon, ils ont leurs idées. Mais arrive un géant qui va tout régler. C'est la Chine. La Chine est en train de maîtriser la route maritime du Nord sibérien, qui se libère des glaces. Elle est en train de mettre la main sur l'Islande. Ils ont un institut arctique, je n'ose pas parler du centre d'études arctiques CNRS, à côté de cet institut arctique chinois, à Reykjavik. Et déjà, ils lorgnent le Groenland. À ce moment-là, toutes les cartes sont changées. Je ne peux pas dire que le Groenland peut se féliciter de la générosité américaine. Comme vous le savez, le 18 juin 1951, je reviens de ces régions du pôle géomagnétique, et je reviens et je vois du haut du glacier d'étranges grands oiseaux dans le ciel. C'est US Air Force qui est en train de construire la base en ultra secret. Pour les avions bombardiers. Pour les bombardiers chargés de bombes nucléaires. Nous sommes à un moment dramatique. Ça, c'est 1951. Juin 51. La guerre en Corée tourne au désastre. C'est Truman qui a pris de main. Et il décide d'avoir, avec les Danois, une base, et il a choisi, sans consulter la population, Tulé. Quand j'arrive, Outak, qui un an avant m'avait dit « je t'attendais ». Votre chaman ? Mon chaman me dit « les Danois ne feront rien, ils nous ont vendus. C'est toi qui vas nous aider. » Donc vous allez voir le général. Donc tu vas aller voir les chefs, les généraux. Mais tu n'iras pas seul, parce que ils vont t'arrêter. ils sont méchants. Et Outak a été avec un de leurs grands explorateurs, Pirée au pôle Nord, il les connaît. Donc j'ai deux chasseurs armés avec leurs fusils, puis moi-même et mon traîneau. J'avance, je m'approche de la tente du headquarters de US Air Force. Le général sort, très mécontent. Qu'est-ce que c'est qu'un Français ? C'est naturellement suspect. Je lui dis, mon général, vous êtes jeune. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. C'est mon 18 juin. Et la population va être montée contre vous. Vous devez quitter. Tuler et Inuit. Et vous n'avez pas demandé l'autorisation. Alors là, il va en imprécation, me dit, dans les 2000 Américains qui raclent la toundra pour faire cet aéroport, il y a des espions russes. Car chaque semaine, Radio Moscou dit le nom des officiers qui viennent atterrir. Et je sais que vous avez un petit appareil, ils sont très bien renseignés. Donc on vous soupçonne bah oui, d'être un espion. Moi j'étudie les microclimats, ils sont 100 km, je devais communiquer avec l'un et l'autre. Vous serez arrêté. Je dis, mon général, il faut vous méfier. Il y a d'abord deux soldats ici, deux chasseurs, ils vont tirer. Et puis c'est un incident. Alors il rentre sous sa tente et je suis libéré. Et c'est en sortant que je mets dans ma tête qu'est-ce que je fais de ma vie. Et c'est là que je comprends, et je vous le dis ici à France Culture, l'intelligence est une morale. Sinon on est comme un Abel Bonnard, on est un voyou. Et donc j'ai décidé d'arrêter ma thèse, que j'étais en train d'écrire, j'étais très avancé, mes cartes, les éboulis. Je précise que la géocryologie, c'est un problème très compliqué d'étude des structures moléculaires de l'eau. Qui m'a aidé ? Irène Joliot-Curie. La vie est étrange, j'avais très peu de moyens, et par mon mariage, j'étais lié à l'Institut du Radium. Et le frigidaire de l'Institut du Radium était mon laboratoire. Donc, je ouvre la porte et il y a là toutes mes pierres. Et à un moment, il y a une vieille dame, enfin une dame, qui est Irène Joliot, en robe noire, qui me dit en vevetant, est-ce que je peux vous aider ? Et je lui explique. Et elle me dit, la clé, c'est la structure moléculaire de l'eau. Ce qui est vrai. Cette structure moléculaire de l'eau est différente dans les grosses canalicules et des toutes petites. C'est ce qui fait que dans les toutes petites qui peuvent être en surface, dans certains gneiss, celles qui sont plus larges à l'intérieur, il y a des échanges. Et les structures moléculaires dans les zones de très forte densité sont telles que le gel n'a lieu qu'à des températures positives. Donc dans une même pierre, qui est la dimension de mon poing, il y a des secteurs qui gèlent à plus 40 et d'autres qui normalement gèlent à moins 4. C'est ça le son que j'appelle la parole. Vous savez, ce que je vous dis sur la pierre, lisez la Bible. Il y a des textes que je n'ai pas ici en mémoire où Jésus est assis sur des pierres et parle. Donc la pierre, nous sommes au début de l'histoire de l'homme. Mais ces Inuits, qui ne sont pas des hommes harassés pour manger de l'ours, du phoque, c'est beaucoup plus compliqué, ils sont préoccupés par les origines. Quand ils sont devant leur trou de neige, le trou de glace, on appelle Naglou, attendant le phoque, le très jeune géographe, peu au courant, dira ben, « il attend le phoque ». Non. Il pense. Et il pense aux origines. Il se dit, quelle est ma vie ? Qu'est-ce que je fais ? C'est ça la cosmodramaturgie ? Et là, cette cosmodramaturgie apparaît. Il sait par ses mythes qu'au tout début de l'histoire, venant des hauteurs, des pierres noires sont tombées. Ils sont tombés dans de l'eau qui était noire, ce qu'on appelle aujourd'hui la marée noire. Alors, c'est très court ce qu'ils disent là. Et puis après, il y a l'homme qui est à quatre pattes. L'homme serait né de la pierre, disent de la mer, disent les autres. Mais ce qui s'est passé, et qui devient passionnant, c'est qu'il y a un temps hybride. Ils vivent ensemble avec l'ours, dans un corps. Donc, il y a un animal avec un corps humain, mais le corps animal ne change pas beaucoup. Le corps humain a une force, un ouma, une énergie. Donc, il va sortir du corps, debout, et il est homme, inuit. Mais il n'oublie pas son passé. Il n'oublie pas qu'il a été cousin germain de l'animal. C'est ce qui fait que cette hybridation rend compte de cette écologie animale. Quand nous avons tué cet ours, il y a eu tout un rite qui correspondait à la tristesse d'avoir coupé cet animal. La baleine, que malheureusement avec des Inuits de Détroit Bering, nous avons chassé, c'est tout un rite très compliqué qui vous occupe pendant un mois. Et la baleine, maintenant, nous le savons, est très bavarde. Car nous sommes entrés dans une époque où, par les neurosciences, on sait ce que disent les animaux. Jean Mallory, j'ai une dernière question à vous poser. Allez-y. Parce que, finalement, le temps passe quand même. On pourrait vous écouter pendant des heures, mais qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ces peuples autochtones? Vous écrivez, si on ne les respecte pas, si on ne les écoute pas, si on ne s'allie pas avec les peuples autochtones, nous deviendrons, dans les mégapoles qui s'agrandissent toujours davantage, un peuple de fourmis manipulé par le verbe et l'image. Alors, quelle est votre solution politique à la situation politique, des autochtones? C'est les Russes qui me l'ont offerte. C'est ainsi, dans ce régime qui a été effroyable sous Staline, j'ai pas besoin de vous en parler, tout le monde en a conscience. Sous Gorbatchev, cette expédition a lieu grâce à l'académicien Dimitri Likhatchov. Et je fais valoir à l'école du parti qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Parce que, dans l'enquête que j'ai faite, j'ai découvert que le marxisme dialectique léniniste athée ne fonctionne pas s'il est athée. Athée, ça n'a rien à voir avec l'église orthodoxe, c'est contre les chamans. Or, le système soviétique, je le regrette pour Lénine, était anti-chaman. Donc, on les entendait, on les arrêtait, ou on les fusillait. Ce qui fait que ce régime était, disons, décapité. Et c'était la nécessité de revigorer leur culture ancienne. Mais pour un socialiste, au front, au petit front, c'est la science qui développe. Non. La science de l'environnement est beaucoup plus complexe. Elle est mystique. Jean Mallory, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir de vous écouter. J'ai quasiment pas parlé, ce qui est une très bonne chose. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Michel Bernaud et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.